Le coup d'épée par Horace von Hoffel. À toi, me dit Marcel, je veux bien te confier comment j'ai fait cet héritage. À d'autres, non, car ils me prendraient pour un menteur. Malgré son nom et sa fortune, le comte de Sauve était un grand savant, mais un savant d'un genre tout particulier. Il s'occupait d'astrologie. On devrait, affirmait-il, étudier l'astrologie et l'alchimie comme on étudie le grec et le latin. Ce sont des sciences mortes. Toutes les sciences partent d'une hypothèse plus ou moins hasardée et ressemblent au chemin d'un labyrinthe. On s'y engage avec l'espoir de trouver au bout l'issue qui donne sur les champs vierges de la vérité. Mais on aboutit toujours à un cul-de-sac. Alors pourquoi mépriser les routes délaissées? Certes, il doit y en avoir une qui l'emporte sur toutes les autres. Seulement, rien ne prouve que nous en sommes plus rapprochés que les vieux astrologues. Puis je préfère leur erreur, si erreur il y a, à la nôtre, parce qu'elle est plus belle. Comparez leur poétique grimoire à nos froides formules. On y voit, oh merveille, des voûtes de cristal, peuplées de constellations bénignes ou funestes, d'étoiles pensives qui s'exaltent, sont en joie, en chute ou en exil. Je rencontrai M. de Sauve pour la première fois chez Mme de T. dans une réunion intime. M. de Sauve ne me connaissait pas. Dès qu'il m'aperçut, il ne put retenir un cri d'étonnement. On l'interrogea. « Veuillez me pardonner, monsieur, c'est un volontaire mouvement de surprise, me dit-il. Il n'y a rien de désobligeant pour vous. J'ai chez moi un tableau peint vers 1585. C'est le portrait d'un de mes ancêtres. Or, vous ressemblez à ce portrait d'une façon inexprimable. Vous êtes donc mon parent. » « Cela est peu probable, répliquai-je en riant. Ma famille est originaire des Pays-Bas. » Le comte hocha la tête, il murmura. César Hannibal de Sauve y est allé, avec le duc d'Anjou. Il faut que vous voyiez ce portrait. Pendant tout l'après-midi, la conversation roula sur ces ressemblances étonnantes. On alla même jusqu'à parler de l'infortuné Le Surc et de Nauwendorf. Au moment où je me préparais à quitter la compagnie, M. de Sauve s'empara de moi. Je vous en prie, venez voir ce portrait. C'est un palissy, dans mon hôtel, rue de l'Université, sur l'emplacement même de l'ancien Préau-Clair. Vous me feriez plaisir. Le comte avait bonne grâce. Il me parut qu'il eût été malpoli de me dérober à tant d'insistance. Je m'inclinai. Quelques minutes après, nous étions chez M. de Sauve. Le comte me mena sans tarder dans la galerie où se trouvait le portrait. En le voyant, je fus stupéfait à mon tour. Oui, celui qui était représenté là avait bien mon visage et se tenait dans une attitude à moi familière. Mais ce qui m'étonnait bien davantage que cette ressemblance fortuite, c'était la beauté du tableau. Je ne savais à quel maître l'attribuer. Imaginez-vous la verve, l'esprit, le réalisme aigu et fantastique de Callot, unis aux touches audacieuses et sombres de Velázquez. Le gentilhomme était vêtu de noir, et seul, les gaudrons de sa collerette blanche et les raies jaunes de son pourpoint mettaient quelque clarté dans l'ensemble sévère du portrait. Le personnage était debout, la jambe gauche tendue, la droite ployée. Une longue rapière battait ses mollets. Il avait une dague au ceinturon et un plumet à la toque. Ainsi il se dressait, svelte, souple, agressif et hautain, sur le fond merveille de la toile, comme un léopard grimpant sur le champ d'or d'un blason. Dans un coin du tableau, quelques signes cabalistiques attirèrent mon attention. « C'est son horoscope, » expliqua M. de Sauve, « tiré peut-être par un des astrologues de Catherine de Médicis. Il est né sous le scorpion, maison de Mars, l'exil de Vénus et chute de la Lune. Menacé du fer et de la trahison des femmes, César Hannibal était tué en duel en 1588, l'année de l'assassinat du duc de Guise. « Tué en duel ? » m'écriai-je, envahi tout à coup par une émotion violente. « Tué en duel ? Où ça ? Mais ici, au Préau-Clair ? Peut-être à l'endroit même où nous nous trouvons. Ah, ce fut un de ces duels féroces du temps de Henri III. Ces gens se coupaient la gorge sans merci. Montaigne lui-même dit quelque part que frapper un adversaire désarmé, c'est profiter d'un avantage qu'on a gagné en combattant. Hannibal de Sauve a été touché là, au flanc gauche, par un des seconds, pendant qu'il chargeait son adversaire. Vous saisissez ? Ainsi. Le comte fit le geste de me porter une botte. Aussitôt, je poussai un cri, et je tombai en arrière. Une lame froide et aiguë venait de traverser mes entrailles. Je me sentais mourir. Comment cela était-il arrivé ? Ah, je me souvenais. J'étais dans un pré, Au bord de la Seine, il faisait très beau. Un temps pascal, tout parfumé de l'odeur de l'herbe tendre et des fleurs nouvelles. Deux de mes amis m'accompagnaient. Je les regardais aller de long en large, la rapière sous le bras. Puis trois hommes apparurent. Je reconnus mon adversaire. Il était suivi de deux gaillards suspects, de basses et sinistres mines. Les épées étincelèrent au soleil. J'assaillis tout de suite mon ennemi à coups de taille. Il rompit en coire la rapière et la dague croisées au-dessus de sa tête. Furieux, je me ruai en avant. Alors un des spasassins me porta ce coup de traître. Je sentais ma vie s'en aller avec tout mon sang qui coulait. Que le ciel était bleu. Je m'endormais sans souffrance. Pourquoi? Pour qui? Une image de femme traversa mon délire. Elle enleva son masque. Ses yeux étaient un peu écartés et d'une couleur étrange de pierre grise. Elle était petite et elle avait de beaux cheveux. Son nom me revint à la mémoire, Gabrielle. Oui, c'était pour elle que je mourrais. Mais une révolte soudaine tendit mes muscles. Non, non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. J'ouvris les yeux. Monsieur de Sauve était penché sur moi. « Êtes-vous sujet ?» me demanda-t-il à ses crises. « J'ai cru que vous alliez expirer dans mes bras. Votre évanouissement a duré plus d'une heure. » Je lui expliquai ce qui m'était arrivé, ce que j'avais ressenti et vu pendant ma syncope. « Je pense, conclus-je, que c'est un accident purement nerveux. » Mais le comte de Sauve n'a jamais voulu le prendre ainsi. D'après lui, je suis une réincarnation de César Hannibal de Sauve. D'autant plus que, moi aussi, je suis né sous le scorpion, maison de Mars, l'exil de Vénus et chute de la Lune, menacé du fer et de la trahison des femmes. Si jamais tu me fais battre en duel, tâche donc de m'obtenir le pistolet, car depuis que M. de Sauve m'a légué sa fortune, je tiens à la vie. » C'était Le coup d'épée par Horace von Hoffel.